Mon beau village. Connais-tu mon beau village ? Molokaye ! Qui se mire au clair ruisseau, encadré dans les feuillages. Mokiliango, hein ? Mawatro. Natango ya kaladese animé za kolobate. Lelo e koma na grand vova. Ayango mora. Aye. Chwase kana, chwase lo kombe tao mangombo. Tango ya la kanyunyo te tao. Akaso ne kayema Akenda koe kumboka Ia oh oh oh Polidero anema Eko vate Osombe asamba kalongelo le Yawe ye ye Yawe ye ye Yawe ye ye Kale la jesi ya e Dikens sheriff de Lausanne Yawe Belle collection. Papo kito kadi kenda bija chale bija mundo bija welo bija utima okito di mena asame ya koko. Mabele ye ye, yama. Ye ye, yama. Londole soya soya, yama. Mabele riche, yama. Pacho muluba, le silence d'or. Amazon na bokulpa, koma banama pasa vino boko takate. Koko tika la nasoni. Mabele ye ye, yama. Yukube ye ye. Bébé Mounanga, ma pesa. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, n'allez la Jésus à eux. Serrado Baziku, Yahweh, Yahweh, et Clocaniki, Yahweh, n'allez la Jésus à eux. Richman Hansi le seul, Michon Bidi, Gina Mateta. Lumière à Cocadero. Akuda, Akuda, Akuda, Akuda da. Nyamara chonga kolo koma. Osumbula poto kolo kaki. Loku ke waka diwaka la mbolo. Uo diwana baya. Ajani. Neli bomeye. Uwa perifan shiba. De pasko ndenga. Dede Makonda Kofi Aina Ejen Godem Bilinyama Aye Oninga ninga ninga ninga ninga ninga ninga ninga Aze Mopunga Seme seme seme seme seme seme seme seme Ayo Kani Mokomo Talongi Semare Ayo Kani Modikio Olivier Bemba Ayo Kani Mano Hose Igona Bruxelles Ayo Kani Mano Lema Pero Carlos Poto.